Le printemps souffle à l'aune d'une disparition. Aléatoire, la lumière éclot sur le flot des jonquilles. Un taxi charrie derrière lui un sac poubelle gris, mais moi je suis dans l'habitacle. Le grand chêne, le seul chêne de l'allée, essaime pollen, ombre, clarté verte. J'éternue pour expulser le souvenir des siestes fraîches placées sous sa protection. Je m'aperçois, la bouche crispée, dans le rétroviseur. Je m'en vais. J'en ai les traits.